Ah, j'ai trouvé ça. Pas carré. Salut Mike. 1, 2, 3, 4. Oh non, putain, j'arrive pas à le carrer. Portugal. ma batterie va pas. Bilos. Attends. One, two. Attends.